maman. Et l'autre côté, Banakim, Yaya m'a avoué. Cette maison a déjà été vendue par l'appareil de Montréal, Claude Manouma. L'ami a mis sur l'homme qui vaut 70 millions de dollars à ce show. Ah! Amatoun Mabiro. Bon, bon, c'est qui s'offre. Aïe wo wo na ke koluka tata. Ya solo. Aïe wo wo na ke koluka tata. Et banaki na Strasbourg ma petite maman na kita. Na kita. Na kita. Na kita. Na kita. Na kita. Na kita. Na kita. Na kita. Na kita. Na kita. Na kita. Je suis les éléments, je ne parle ni de Yobenganga.